Strasbourg. Forcé de passer 8 jours à Strasbourg, Julien cherchait à se distraire par des idées de gloire. Était-il donc amoureux? Il n'en savait rien. Il trouvait seulement dans son âme bourrelée Mathilde, maîtresse absolue de son bonheur comme de son imagination. Mathilde avait tout absorbé. Il la trouvait partout dans l'avenir. De toutes parts, dans cet avenir, Julien voyait le manque de succès. Cet être que l'on a vu à Verrières si rempli de présomption, si orgueilleux, était tombé dans un excès de modestie ridicule. C'est qu'il avait maintenant pour implacable ennemi cette imagination puissante, autrefois sans cesse employée à lui peindre dans l'avenir des succès si brillants. La solitude absolue de la vie de voyageur augmentait l'empire de cette noire imagination. Quel trésor n'eût pas été un ami? Et quand j'aurai un ami, l'honneur ne me commande-t-il pas un silence éternel? Il se promenait à cheval tristement dans les environs de Kell. C'est un bourg sur le bord du Rhin, immortalisé par Desseix et Gouvion Saint-Cyr. Une exclamation de gaieté lui fit lever la tête. C'était le prince Korasoff, cet ami de Londres, qui lui avait dévoilé quelques mois auparavant les premières règles de la haute fatuité. « Vous avez la mine d'un trappiste, » dit-il à Julien. « Vous outrez le principe de la gravité que je vous ai donné à Londres. C'est donc quelque chose qui vous manque, quelque chose qui ne vous a pas réussi. » Il mit son cheval au galop. Julien le suivit, rempli d'une admiration stupide. Ah, si j'eusse été ainsi, elle ne m'eût pas préféré Croisenois. Plus sa raison était choquée des ridicules du prince, plus il se méprisait de ne pas les admirer. Le prince, le trouvant décidément triste, « Ah ça, mon cher, lui dit-il en rentrant à Strasbourg, avez-vous perdu tout votre argent ou seriez-vous amoureux de quelque petite actrice ?» Ces plaisanteries sur l'amour mirent des larmes dans les yeux de Julien. « Pourquoi ne consulterais-je pas cet homme si aimable ?» se dit-il tout à coup. « Eh bien, oui, mon cher, dit-il au prince. Vous me voyez à Strasbourg fort amoureux et même délaissé. Une femme charmante qui habite une ville voisine m'a planté là après 3 jours de passion et ce changement me tue. » Il peignit au prince, sous des noms supposés, les actions et le caractère de Mathilde. « Fort bien, dit le prince. Voici 3 drogues assez amères que vous allez prendre sans délai. Premièrement, voir tous les jours madame... Comment l'appelez-vous? Madame de Dubois. Quel nom! Dit le prince en éclatant de rire. Mais pardon, il est sublime pour vous. Il s'agit de voir chaque jour madame de Dubois. Rappelez-vous le grand principe de votre siècle. Soyez le contraire de ce que à quoi l'on s'attend. « Montrez-vous précisément tel que vous étiez 8 jours avant d'être honoré de ses bontés. »« Ah ! J'étais tranquille, alors !» s'écria Julien avec désespoir. « Je croyais la prendre en pitié. »« Deuxièmement, vous ferez la cour à une femme de la société, mais sans vous donner les apparences de la passion. Entendez-vous »« Elle a tant d'esprit, et moi si peu. Je suis perdu, » dit Julien tristement. « Non, vous êtes seulement plus amoureux que je ne le croyais. Madame de Dubois est profondément occupée d'elle-même, comme toutes les femmes qui ont reçu du ciel ou trop de noblesse ou trop d'argent. Elle se regarde au lieu de vous regarder. » « Quelle est la société de Madame de Dubois ? Grand Dieu, quel nom ! Ne vous fâchez pas, mon cher Sorel, c'est plus fort que moi. À qui ferez-vous la cour ? À une prude par excellence ? Fille d'un marchand de bas immensément riche. Elle a les plus beaux yeux du monde et qui me plaisent infiniment. » Julien songeait à Madame la maréchale de Fervaques, qui venait beaucoup à l'hôtel de la Mole. C'était une belle étrangère qui avait épousé le maréchal 1 an avant sa mort. Toute sa vie semblait n'avoir d'autre objet que de faire oublier qu'elle était fille d'un industriel, et pour être quelque chose à Paris, elle s'était mise à la tête de la vertu. Julien admirait sincèrement le prince. Que n'eût-il pas donné pour avoir si ridicule ? « Nous sommes bien d'accord, » répétait-il à Julien pour la 10e fois. Pas l'ombre de passion quand vous parlerez à la jeune beauté, fille du marchand de bas de Strasbourg, en présence de Madame de Dubois. Au contraire, passion brûlante en écrivant. Lire une lettre d'amour bien écrite est le souverain plaisir pour une prude. C'est un moment de relâche. Elle ne joue pas la comédie, elle ose écouter son cœur. Donc, 2 lettres par jour. Jamais, jamais, dit Julien découragé. Je me ferais plutôt piler dans un mortier que de composer 3 phrases. Je suis un cadavre, mon cher, n'espérez plus rien de moi. Laissez-moi mourir au bord de la route. Et qui vous parle de composer des phrases ? J'ai dans mon nécessaire 6 volumes de lettres d'amour manuscrites. Il y en a pour tous les caractères de femme. J'en ai pour la plus haute vertu. Julien était moins malheureux quand il quitta son ami à 2 heures du matin. Le lendemain, le prince fit appeler un copiste et 2 jours après, Julien eut 53 lettres d'amour bien numérotées, destinées à la vertu la plus sublime et la plus triste. Tous les jours, on montait à cheval. Le prince était fou de Julien. Ne sachant comment lui témoigner son amitié soudaine, il finit par lui offrir la main d'une de ses cousines, riche héritière de Moscou. « Et une fois marié, ajouta-t-il, mon influence et la croix que vous avez là vous font colonel en 2 ans. » Julien fut sur le point d'accepter, mais son devoir le rappelait auprès du grand personnage. En quittant Korasov, il promit d'écrire. Il reçut la réponse à la note secrète qu'il avait apportée et courut vers Paris. Mais à peine eut-il été seul 2 jours de suite que quitter la France et Mathilde lui parut un supplice pire que la mort. « Je n'épouserai pas les millions que m'offre Korasov, se dit-il, mais je suivrai ses conseils. Il le faut. Je vais faire la cour à Madame de Fervaques. »